suis un petit taureau, mais moi c'est pas pareil. Je suis un petit taureau, mais moi en plein soleil, j'entrerai dans l'arène, dans la reine des abeilles. Je suis sans doute un animal doué de pouvoirs anormaux. Je peux échapper au mal en jouant avec les mots. Je ne serai plus taureau, tonneau de sang vermeil. Je n'aurai plus au garrot ce collier de groseille. J'entrerai dans l'arène, dans la reine des abeilles. À partir de nos épousailles, la morale va basculer. La reine va crier aïe, et moi je dirai olé. Je la matadorerai avec mon appareil. Un bourdonnement doré emplira vos oreilles quand j'entrerai dans l'arène, dans la reine des abeilles. Et si la reine tue ses amants, comme la reine tue ses taureaux, je crèverai vaillamment avec du miel aux naseaux. On se souviendra de mon sort, peut-être deviendrai-je un mythe. J'ai rêvé d'un taureau mort sous une pluie de marguerite.